Le Comité national nigérien d'études du kimilsonisme kimjonglisme a donné des articles dans le homepage d'Internet. Dans l'article « Le patriotisme inspiré aux femmes », il a écrit en détail que Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise, a prêché d'exemple pour inviter toutes les femmes coréennes à s'engager avec patriotisme dans l'entreprise pour appliquer la ligne du président Kim Il-sung en matière d'éducation d'une patrie nouvelle.